Pergoles, stabat mater dolorosa, juxta crucern lacrymosa, dum pendebat filius, etc. Qui n'a tressailli, qui n'a pleuré à l'audition de ces strophes sublimes que rend plus émouvante une musique qu'un maître français qualifie en ces termes? Le stabat, dit Grétry, me paraît réunir tout ce qui doit caractériser la musique d'église dans le genre pathétique. Puis, appréciant dans son ensemble le génie du grand compositeur auquel on doit tant de beaux chants religieux, deux messes, un miserere, un laudate, de laetatus, un salve regina, etc., Grétry ajoute « Pergoles naquit et la vérité fut connue. L'harmonie a fait depuis lui des progrès étonnants dans ses labyrinthes infinis. Les exécutants, en se perfectionnant, ont permis au compositeur de déployer la richesse des accompagnements. Mais Pergoles n'a rien perdu. La vérité de déclamation qui caractérise ses chants est indestructible comme la nature. Pergoles, séduit par ce mirage souvent fatal aux jeunes artistes, s'était d'abord essayé au théâtre, mais avec peu de succès, malgré le mérite de ses opéras, accueillis avec beaucoup de froideur ou même sifflés, à l'exception d'un seul, la Serva Padrona, la servante maîtresse, applaudit du vivant de l'artiste comme les autres le furent après sa mort. Une malveillance, dont la cause nous échappe, lui rendit presque toujours le public du théâtre indifférent ou même hostile, au point que lors de la représentation de son opéra d'Olympiade à Rome, non seulement l'ouvrage fut outrageusement sifflé, mais le pauvre compositeur, qui dirigeait en personne l'orchestre, subit le plus grossier affront. Une orange, lancée par une main connue peut-être, vint le frapper à la tête. Ce ne fut pas tout. Un artiste d'un talent bien inférieur, appelé Duni, ayant en quelque temps de là fait représenter sur le même théâtre un opéra seria intitulé Néron, se vit applaudi avec enthousiasme. Bien plus, la coterie, lâche autant que cruelle, dont Pergoles était victime, en haine de celui-ci, prodigua ses éloges à Duni et voulut le couronner publiquement. Mais l'auteur de Néron, par un sentiment de généreuse équité qu'il honore plus que ses ouvrages, loin de se prêter à ces misérables calculs, déclara hautement qu'il n'était point digne de cette ovation, méritée bien plutôt par ce Pergoles qu'on traitait trop injustement en s'obstinant à méconnaître son génie. Pergoles, rebuté, découragé, renonça pour toujours au théâtre, auquel mieux eût valu qu'il ne songea jamais. Car nous compterions en plus grand nombre encore ces beaux chants d'église où son talent triomphe et qui ont rendu son nom populaire. Sa vie fut trop courte et ne lui permit pas de multiplier les chefs-d'œuvre. Mais ceux qu'il a laissés suffiront à sa gloire. N'eût-il écrit que le Stabat et le Salve Regina, il serait immortel. Ces deux magnifiques compositions, aussi bien que la cantate d'Orphée, furent composées par lui à Pouzzoles et pour ainsi dire un pied dans la tombe. Car, déjà malade de la phtisie pulmonaire à laquelle il devait succomber, par l'ordre des médecins, il avait quitté Lorette pour chercher un climat plus doux et accepter l'hospitalité que lui offrait au pied du mont Vésuve un généreux mécène, le comte de Mondragon. C'est là que mourut le grand artiste, âgé de 33 ans à peine, 1737. Il était né le 3 janvier 1704 à Gésy, dans les États romains. Le poète eût pu dire de Pergoles, tout aussi bien que de Cimarosa, « Chantre mélodieux, né sous le plus beau ciel, au nom doux et fleuri comme une lyre antique, léger napolitain dont la folle musique a frotté tout enfant les deux lèvres de miel. Ô maître, tu gardas à travers ton délire un cœur toujours sensible et plein de dignité. Oui, ton âme fut belle. Ainsi que ton génie. »